Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque pour notre émission de rentrée septembre 2017. Je suis Mister Wiz et je suis accompagné de mon comparse Murdoch. Comment allez-vous Murdoch ? Eh bien ça va très bien, la rentrée s'est bien passée, donc tout va bien, tranquillement cette rentrée 2017. Et ben donc on va parler musique, évidemment comme à chaque fois dans Manche Disque. Mais avant tout, on va parler un petit peu radio, puisque bah il y a une voix que je connaissais bien sur France Info, Gérald Roux, donc j'écoutais il y a une dizaine d'années donc en podcast où il présentait des chroniques journalières de disques. Et donc il a relancé une chronique cette fois-ci hebdo, mais il chronique des rééditions donc d'albums qui ont été évidemment marquants pour la culture musicale. Il nous a piqué l'idée quoi en fait. C'est tout à fait ça. J'ai vu le concept, je me suis dit ça y est, ils ont pas piqué le concept des trois disques des années 80, mais voilà, donc ça s'appelle Ma Collection Pop, c'est dans la matinale du samedi, et c'est évidemment disponible en podcast, donc il y a eu un seul numéro pour le moment, puisqu'évidemment ils sont rentrés très récemment, c'était sur The Verve Urban Hymns, si je me trompe pas. Alors est-ce que tu l'as écouté ? Le podcast, oui, j'ai écouté, je trouve ça vraiment intéressant, je peux juste regretter qu'il y ait trop de musique par rapport à ce qu'il y a comme explication, parce que je trouve que le contenu est intéressant, donc à la limite, il y aurait 2-3 minutes de plus, ça m'aurait pas spécialement dérangé. Ouais. Donc non, j'ai écouté, c'est bien, après le disque en lui-même, je trouve qu'il est très survendu. Ah bah oui, oui, je peux pas te contredire là-dessus, moi je trouve que c'est un album, bon il est bien, mais bon, c'est perso, il retombe pas souvent sur ma platine, mais bon. Voilà, mais en tout cas, je trouve que l'émission est bonne, et j'espère que bah elle va nous amener plein de bonnes rééditions dans l'année. Bah évidemment, je vous conseille d'aller jeter une oreille et de vous faire votre idée. Et donc on va attaquer sur les sélections. Pour le coup, je me suis retrouvé avec une situation compliquée parce que j'ai deux rééditions, mais comme j'en avais une qui était plus grasse que l'autre, il y en a une que j'ai réservée vraiment pour la section réédition et l'autre qui est en section normale. Et donc en l'occurrence, c'est la réédition de l'album Invisible Silence de Art of Noise de 1986 et j'ai sélectionné le titre Paranoïmia. C'était Paranoïmia de Art of Noise, extrait de Invisible Silence de 1986. Alors, c'est un groupe que j'adore. C'est une anecdote assez désespérante. J'ai découvert en cours de maths, je crois que c'était en quatrième, parce que nous avions un prof de maths qui se trouvait être aveugle, et j'avais ma voisine qui travaillait, qui écoutait vaguement le prof, mais en écoutant de la musique, et puis un jour, je lui demande « Mais qu'est-ce que t'écoutes tout le temps comme ça, plutôt que d'écouter le prof ?» Et elle me fait « C'est génial, j'ai un groupe qui fait de la musique avec des chasses d'eau. » Et là, c'est pas possible, il fallait que j'écoute le truc. Avec des chasses d'eau. Il fallait que je sache. Et je lui ai pris une boule, j'ai commencé à écouter, et en fait, j'ai plus jamais lâché la boule. Tu lui as pris une boule. Je lui ai pris une boule, et voilà. Et puis c'est resté, puis j'ai fait une copie de la cassette, et voilà, même si j'ai jamais trouvé les bruits de chasse d'eau dans le disque. Donc, Art of Noise, c'est un groupe qui est créé en 1983 par Trevor Horn, que j'aime beaucoup aussi, qui a travaillé sur les Buggles, sur Frankie Goes to Hollywood, sur Yes, et avec aussi un certain nombre de personnes, dont Anne Dudley, qui a fait pas mal de musique de films par la suite, dont celle du Full Monty. C'est un groupe qui est très avant-garde pour l'époque, mais à la limite presque encore maintenant, qui était un des premiers à utiliser un instrument très novateur et qui va devenir très vite très à la mode. D'ailleurs, on le retrouve dans plusieurs sélections aujourd'hui, qui est le sampleur Fairlight. Et ils ont énormément fait des samples, alors pas forcément avec des chasses d'eau ni des bruits de bidet, anglais, mais avec plein de choses. Il y a sur leur premier disque, il y a des bruits de moteur, par exemple. Oui. Donc c'est quelque chose qui est très caractéristique de leur son. Vraiment un son de référence pour moi des années 80. Il a été en particulier au centre de l'album Zoulouk de Jean-Michel Jarre, qui est aussi un de mes albums de référence. Donc, sinon, c'est très barré, c'est instrumental tout le long. Ouais. Ils ont un gros succès sur le disque avec la reprise de Peter Gunn sur la phase B. Et je trouve que ça coule diablement bien. Il y a vraiment quelque chose d'à la fois très novateur, très avant-garde, mais très évident. Enfin, pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Bah, bizarrement, moi, j'avais la cassette à l'époque de cet album-là. Alors, je l'avais découvert par l'intermédiaire de compilations synthétiseurs qui tournaient à droite à gauche. Il y avait 2-3 morceaux d'Art of Noise qui étaient sur ces compiles, si je me trompe pas. Et donc, j'avais acheté la cassette. Et donc, ça m'a fait forcément plaisir de réécouter ça 30 ans plus tard. Mais par contre, j'ai pas retrouvé ce qui avait pu me pousser à l'époque à écouter ça. C'est comme tu l'as dit, c'est très expérimental, c'est très avant-gardiste. 30 ans plus tard, j'ai un petit peu plus de mal, mais bon, ça m'a ramené quand même à une bonne période de mon enfance. C'était assez sympa. Alors, il y a des morceaux, c'est encore, on va dire, assez facile d'accès. Il y a Eye of the Needle, Backbeat, qui sont bien, qui m'ont vraiment plu à réécouter. Un petit mot sur quand même le deuxième disque de la réédition, parce que j'ai jeté une oreille et il n'y a pas vraiment... Il a tout écouté, c'est formidable. Et bah, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grandes surprises. Alors, bonne ou mauvaise, donc c'est bien, parce que au moins, ça reste un album complémentaire qui n'est pas là pour faire du remplissage. Et j'ai trouvé qu'il y avait Caméléon 4, donc un des morceaux de la réédition, qui était particulièrement bien foutu et qui avait bien sa place sur un album. Tu parles du deuxième disque. La dernière réimpression, pour le coup, c'est celle que j'avais. Ça n'était pas ressorti depuis 94. Ouais. Et là, vraiment, le son est fabuleux et il y a plein de titres, même s'il y a plein de titres qui sont des versions de travail différentes et intéressantes, mais des versions de travail de titres de l'album. Ça a été un bonheur immense de pouvoir compléter l'été avec toutes les versions qu'on pouvait trouver que sur des 45 tours, sur des maxi, et puis plein d'inédits aussi qui suivent. Donc moi, ça m'a vraiment sorti le 19 mai. Le 19 mai, il était dans ma poche. Ah, Day One. Oui. Alors, tu as choisi, toi, alors c'est exceptionnel, tu nous chroniques à 45 tours. Alors oui, alors il y aura un autre truc exceptionnel un peu plus tard, mais forcément, vu que c'est plus tard, on en parlera plus tard. Et donc là, pour le coup, oui, c'est un 45 tours, puisque c'est les Calamités qui nous chantent le Vélomoteur. C'était Les Calamités avec leur morceau le plus connu, le Vélomoteur. Alors, c'est un 45 tours que personnellement j'aime beaucoup, puisqu'à l'époque, j'ai découvert quand il est sorti en 87. C'est une chanson qui rentre déjà dans la tête assez facilement au niveau mélodique et instrumental, on va dire assez global. C'est un très très bon single. Je l'ai retrouvé en brocante il n'y a pas si longtemps. C'est un disque qu'on trouve quand même assez facilement. Et ça m'a fait énormément plaisir de le retrouver, de le réécouter et surtout qu'il saute pas. Donc pour une fois, c'est bien. Ça se nettoie sinon. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Mais surtout, je me suis dit, je vais en parler pour une fois qu'on va parler d'un 45 tours, parce qu'il y a une belle petite histoire derrière. C'est-à-dire que c'est un groupe de 4 originaires de Beaune, donc pas très loin de là où je suis né. Le groupe va sortir un disque en 84 qui va quand même avoir son petit succès, puisqu'il va quand même être sorti aux États-Unis, donc c'est pas donné à tout le monde. Et le groupe, par contre, va s'arrêter assez vite. Et en 87, donc Daniel Schoenwes, qui est la moitié masculine de Niagara, souhaite les produire, et donc il y a seulement deux membres du groupe qui vont répondre à l'appel, donc Odile Répolte et Isabelle Petit, et donc elles vont sortir ce petit bijou de pop française, donc le Vélomoteur. Alors moi, j'adore la construction du morceau, l'exécution, je trouve que au niveau vocal, c'est un super travail de groupe, Et c'est vraiment un morceau que j'adore pour son côté léger, bien produit, c'est un refrain qui reste en tête. C'est de la bonne chanson française, bonne pop française que j'aime vraiment écouter. Et pour le coup, la face B est encore plus simple, dans le sens où c'est juste guitare-voix, donc c'est un deuxième morceau qui est assez sympa. Et pour le coup, c'est vraiment un morceau qui prouve qu'on peut faire de la pop sans que ce soit... Bon, on en a parlé à l'IRL de cet été, de la variété, c'est-à-dire dans... Besoin de rien, envie de toi. Oui, ouais, entre autres. Et voilà, bah, c'est ça que je voulais mettre en avant sur ce morceau. Alors, je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Oh, moi, il était dans mon top 10, voire éventuellement dans mon top 5. Je me souviens plus exactement de mon classement perso de l'époque. Mmh. Mais dès la première écoute, j'étais fan. Donc ça m'a tout de suite énormément attrapé et effectivement je trouve que le titre il coule super bien, il est extrêmement bien produit, les paroles rentrent en tête, le truc t'as qu'une envie c'est de le chanter, enfin voilà, je trouve que ça marche affreusement bien quoi, et c'est extrêmement triste que ça soit One Trick Pony quoi, qu'il y ait eu un 45 tours et puis plus rien derrière. Exact. Une petite parenthèse sur l'album justement dont tu parlais, l'album de 84, A Bride Abattue. S'il a un petit peu marché à l'époque, moi je l'ai découvert que très très très sur le tard. Oui. Et c'est quelque chose qui est ressorti en CD, mais au travers de compilations qui sont maintenant compliquées à trouver, qui sont un peu chères parce qu'un peu rares. Et l'album, il mérite à être davantage distribué et davantage connu parce qu'il est super bon. Il mérite une petite réédition. Et bah, c'est dommage qu'elles en soient restées juste à ce 45 tours-là parce que ça aurait pu donner... Ah, c'était chouette. Ah ouais, il y avait de quoi faire. Nous rappelons aussi, pour nos chers auditeurs, qu'il y a eu une excellentissime reprise de la chanson par Alain Chabat et Bruno Carrette. Qui ont changé le titre, c'est plus le vélomoteur, mais le vibromasseur. Oui, qui fait faux faune. Bon, on va passer à ton deuxième choix, donc. Alors, mon deuxième choix, là, cette fois-ci, je triche un peu, c'est 79. Un petit tour au pays du soleil levant avec la chanson Behind the Mask de Yellow Magic Orchestra, extrait de l'album Solid State Survivor. Alors c'était Behind the Mask de Yellow Magic Orchestra, extrait de l'album Solid State Survivor en 1979. Alors, Yellow Magic Orchestra, c'est un groupe pendant très longtemps que je connaissais que de nom. Je connaissais une de ses trois composantes, en l'occurrence Ryuichi Sakamoto, par la musique de Furio et surtout par la musique du Dernier Empereur que j'avais absolument adoré. Et l'année dernière au Japon, j'ai trouvé le premier album en vinyle. Et quand j'y suis retourné cette année, j'ai acheté le deuxième et le troisième dans la foulée. Double. Donc bah, là encore, ça fait peut-être un peu redite avec le précédent, mais on est sur un groupe qui est synthé, qui est expérimental, qui est un peu arty, qui est un peu avant-garde. Il fait partie des premiers qui va utiliser le synthé de manière plus mainstream parce que bah, quand ils se sont lancés, on était en 78, quelque chose comme ça. Et en 78, le synthé, c'était globalement de la musique expérimentale allemande un petit peu abrasive, on va dire. Un petit peu rêche. Un petit peu rêche, moi que j'adore, mais voilà, qui n'était pas forcément à mettre entre toutes les oreilles. Ou alors, qui commençait à être apprivoisé par les groupes de punk et les premiers groupes industriels type Throbbing Gristle en Angleterre. Là, pour le coup, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à tripoter les touches pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand public et surtout d'un petit peu plus festif. Parce que synthé était un petit peu désespérant. Ouais. Bah, y a un peu les albums de Kraftwerk de l'époque, type The Man Machine en 79, et Yellow Magic Orchestra, qui va faire une musique qui est quand même ultra joyeuse, je trouve, très enfantine. Il y a plein de titres qui préfigurent la musique de jeux vidéo. Oui. Ah oui, et les dessins animés aussi. Je pense au titre Riding qui est sur la face A du disque, qui pourrait vraiment être utilisé tel quel dans un jeu vidéo de l'époque. Je case aussi que la chanson donc sélectionnée, en fait, elle aurait dû faire partie de Thriller. Michael Jackson avait adapté le titre et avait fait une petite mélodie assez efficace dessus. La chanson a été mise de côté et n'est ressortie que sur l'album posthume Michael. Donc, vous avez écouté, qu'en pensez-vous ? Bah, c'est étonnant que tu ramènes ça du Japon. Non, ouais, ça m'a fait vraiment penser au générique de dessin animé, t'en as parlé, de cette époque, hein, de fin des années 70, début 80, avec toutes les ambiances que les compositeurs installaient. Alors je trouve ça intéressant pour ça, car c'est un son qui, à mon avis, est très daté de par les instruments utilisés, et ils réussissent à peindre différentes atmosphères, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça reste quand même assez particulier dans la manière de faire, mais c'est pas déplaisant, mais c'est quelque chose qui a coulé quand même assez naturellement. Je l'écouterai pas tous les jours, mais bon, pour moi ça pourrait faire une très très belle BO de film de science-fiction de début des années 80 sans gros problème. Alors il y a quand même un morceau qui m'a tapé dans l'oreille, puisque évidemment quand on échange les choix, je commence toujours par faire un petit tour pour voir si il y a pas un morceau, le titre que je peux connaître et tout, et là il y a des Trippers, donc je me dis forcément ils ont dû essayer de faire une reprise des Beatles. Elle est quand même bien chelou. C'est quand même très très difficile de la reconnaître au début, on va dire. J'ai trouvé que c'était franchement bien sympa de proposer une sélection comme ça, parce que ça ouvre vraiment sur des horizons intéressants. Alors du Japon, nous passons en France. Oui. Donc on va s'écouter Michel Berger, extrait de l'album Beau Séjour. C'est la chanson « Il y a vraiment que l'amour qui vaille la peine ». 20 ans demain, les mains dans ma musique, j'attendais le réveil. Une petite voix de rien s'installait dans ma tête, me donnait des conseils. Va écoute, brûle ta vie. Et je disais oui, tout connaître, tout savoir, pris du bonheur et du désespoir. Mais j'ai compris trop tard. C'était « Il y a vraiment que l'amour qui vaille la peine », donc extrait de l'album « Beau séjour » de Michel Berger. Alors, à la base, je suis pas du tout client de Michel Berger, mais il s'est passé un truc cet été qui m'a poussé un petit peu à me replonger un peu plus en détail dans ses disques et dans ce qu'il faisait d'une manière générale, et à choisir ce disque donc pour en dire quelques mots. Alors, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il y a un artiste qui s'est mis en tête de monter un spectacle sur les morceaux de Michel Berger en piano-voix, et donc il y a eu pas mal de promos autour, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce qu'il s'est invité dans pas mal d'émissions que j'écoute, et il y a eu forcément des extraits qui sont passés, et là, j'ai subi ces reprises. Souvent, j'écoutais les émissions avec ma femme, puisque elle aime bien Michel Berger, et je trouvais que les réinterprétations étaient pas bonnes du tout. Donc, je lui ai demandé, mais c'est pas possible, il massacre, ou d'origine, c'était chanté, on va dire, de manière extra théâtrale. Et elle me dit, non, c'est vraiment massacré. Et c'est pour me faire mon idée que j'ai donc réécouté et découvert, beaucoup plus en détail que la face superficielle que j'en avais. J'ai choisi cet album-là, parce que c'est avant tout le premier album qui va vraiment le révéler en tant qu'interprète, et qui est vraiment très très bon. Moi j'ai vraiment apprécié de retrouver des lignes de chant qui sont belles, et justement il a un chant qui est très naturel, qui est très fluide, qui est simple, mais qui est vraiment très très beau. Dans un sens c'est bien, puisque ça m'a poussé à me reconcentrer sur l'original et à me rendre compte qu'il y avait des choses que je dirais pas négligeais, mais que je me suis dit bon voilà, Michel Berger, tu m'y étais jamais attaché, et au bout du compte c'est vraiment un artiste majeur. L'album est vraiment très très bon. Il a d'une part des chansons qui sont accrocheuses, mais pas que, et il y a le morceau donc que j'ai choisi justement, il y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Il est à mon avis pas très connu, et moi il m'a beaucoup plus parlé que les singles, et j'ai trouvé que son identité artistique, il l'a créée assez tôt, et il s'en est pas détaché. Et moi, ça m'a vraiment plu de redécouvrir vraiment très très tard ce qu'il avait pu faire. Alors après, je pense savoir ce que tu en penses, parce qu'on a parlé un petit peu avant l'émission, alors je te laisse un petit peu en parler. Bah, Berger, moi, c'est ma première référence incontournable française. Après, bah, y en a eu trois qui sont arrivés quasiment coup sur coup. C'est ceux que j'appelle affectueusement mes trois Michel. Il y a Berger, puis après il y a eu Jonas, et pour finir il y a eu Polnareff. Donc je me suis fait envahir de Michel. Donc je suis le monsieur depuis 80 environ, quelque chose comme ça, quoi. Bah, j'avais la groupie du pianiste en 45 tours. Enfin voilà, j'ai quasiment eu tous les 45 tours jusqu'à... quasiment jusqu'à la fin. La chanson, je trouve que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure de l'album, avec Balavoine, qui chante derrière, et ils vont se retrouver une nouvelle fois en 83 sur la fameuse minute de silence qu'on n'a pas fini de massacrer. Le disque en lui-même, je l'ai découvert sur le tard, parce que c'est tous les disques de Berger, en fait, n'ont pas fait l'objet de réédition avant très longtemps. Donc ils sont sortis en CD que vraiment très très tardivement, et moi, il a fallu que j'attende que je trouve... Beau Séjour en vinyle d'occasion, j'avais déjà 17-18 ans, quoi. Donc, d'accord. J'avoue que c'est pas mon préféré. Ah, lequel ? Je l'ai trouvé en retrait par rapport aux deux suivants, en fait. Par rapport à Beau Rivage, surtout, que j'aime beaucoup, et Voyou, qui est mon absolu préféré. C'est drôle que tu sortes un album de Berger, parce que j'en ai retrouvé un, qui est l'album qu'il a sorti en 1985, hein, qui est l'album Différence, alors que j'avais acheté à l'époque en cassette quand il est sorti. Mais je l'ai repris en vinyle déjà parce que j'ai trouvé un vinyle qui était en parfait état, mais surtout qu'il a, et je l'ai acheté presque que pour ça, il a un hobby, c'est comme les disques japonais, qui est en fait une pub pour indiquer Michel Berger au Zénith du 11 au 19 avril. D'accord. Et ça m'a fait un petit coup de blues, parce que autant j'ai eu la chance de voir France Gall deux fois en concert, autant bah, j'ai pas eu la chance de voir Berger en concert, et ça c'est un gros gros manque. On va passer à un autre chevelu des années 80, c'est ça ? Mais c'est ça, un autre hirsute, hein. Donc là en l'occurrence c'est Alain Souchon qui nous chante La vie intime et maritime. C'est dans C'est comme vous voulez, c'est de 1985. La vie intime et maritime, la vie intime et maritime. Tout là-haut dans les tours de verre, les petits watermans, les pauvres parquets, sans alizé, sans le skipper, les beaux. Son école à l'écolier, voilier des dictées chiffonnées, dans les prisons du bateau dessiné sur les murs. Bateau, bateau, je marche dans un profond ravin. Alors c'était La vie intime et maritime d'Alain Souchon, et c'est donc dans C'est comme vous voulez, album de 1985. Alors Souchon, moi je l'aime bien, mais lui aussi je l'ai découvert un peu sur le tard, comme le fameux album de Michel Berger. Tout le long de ma jeunesse, il y avait toujours une chanson de Souchon, comme lui a chanté une chanson de Jonas qui résonnait par-ci par-là, mais j'étais jamais rentré dans les albums en entier. Mais maintenant c'est bon, j'y suis, je suis rentré dedans, et décidément en fait plus j'écoute plus ça me plaît, et j'ai un petit affect particulier sur ce disque là. C'est un disque qui est charnière, mais c'est drôle parce que c'est une charnière qui se referme immédiatement. Donc en 85, Souchon découvre les années 80, et en fait il va en ressortir quasi immédiatement parce que l'album suivant n'est plus du tout dans cette ambiance là. C'est un petit poil plus dur, un petit poil plus noir à l'image de la pochette, et un poil plus synthétique. Et c'est drôle parce qu'on retrouve le fameux Fairlight qui est utilisé sur cet album là. Donc ça reste le clavier de référence. Il y a trois titres qui sont relativement très connus sur le disque, donc C'est comme vous voulez, la fameuse balade de Jim, et Je veux du cuir, qui est une de mes chansons préférées de Souchon. Bizarrement, il plaît pas forcément beaucoup ce disque-là, mais moi je trouve que ça lui va vachement bien, parce que comme il a un côté toujours à côté de la plaque, hein, toujours un côté je suis pas à ma place, il y a toujours une notion de décalage dans ce qu'il fait, je trouve que là, il rajoute en plus un décalage musical, et je trouve que ça marche bien. Après, la chanson que j'ai pris, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a quelque chose de très... j'aime beaucoup la mélodie, je trouve qu'elle marche super bien, et j'avais pas envie de prendre une chanson connue, donc voilà. Moi, Souchon, c'est un artiste avec lequel j'ai un énorme affect, parce que son 33 tours Jamais Content, bon, qui est pas des 80s, qui est de fin des années 70, il était dans ceux que je pouvais écouter sur la platine de mes parents, et gamin, j'adorais écouter Poulailler Song et Allô Maman Bobo, et c'est un album, voilà, j'avais pas non plus accès à énormément de 33 tours, mais celui-là, j'adorais l'écouter, et donc quand t'as ressorti un album de Souchon, bah, ça m'a vraiment replongé à ce moment-là, et c'est un style que j'aime bien dans la chanson française, parce que justement c'est bien écrit sans être trop intello. Je trouve qu'il a trouvé le bon barreau de l'échelle. Ouais, il est pas inaccessible, il est pas non plus ras bitume, donc c'est vraiment pour moi le bon niveau d'écriture, parce que tu peux vite tomber dans les références où justement tu vas perdre beaucoup de gens qui ont peut-être pas tout le background que toi en tant qu'écrivain tu peux avoir, et je trouve que son écriture elle est bonne pour ça. Et aussi voilà, le gros intérêt, il est pas tombé dans la soupe, j'aurais tendance à dire, de variété. Alors c'est un album que je trouve très bon. Il est très en douceur. Et bah, tu parlais de la balade de Jim. Moi, c'est une chanson que j'adore vraiment. J'avais découvert le clip donc au top 50, hein, comme beaucoup. Mais c'est une chanson que j'adore. Ça va peut-être être un peu trop de dire ça, mais pour moi, c'est la première chanson que j'ai écoutée et qui racontait une histoire. L'histoire du gars. Et puis en plus, le clip, bah, c'est l'histoire de la chanson. C'est peut-être bien la première chanson qui m'a montré qu'il y avait des histoires qui pouvaient être racontées et que c'était assez sympathique. Alors après, la mélodie sur le refrain, je la trouve super belle, et c'est un peu comme justement ce que je disais sur Michel Berger. Il a un chant qui est assez simple, il est pas ultra technique, il est pas... C'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est justement ça que j'adore. C'est très proche de Berger, on va dire, sur le concept. T'as pas l'impression que ça force. Oui. Le truc, ça sort de manière naturelle. Alors, vu la manière dont les gens chantent maintenant, ouais, de manière justement très forcée, très surjouée, ouais, très ornementée. Énormément de surtechnique, ouais, vocale. Ouais. Ça tranche. Voilà, voilà ce qu'on pouvait en dire. On va passer à un truc plus dur. Ah oui, nettement plus dur. Qui peut plus. On va s'écouter Motorhead qui nous chante Ace of Spades. Si tu nous écoutes. Voilà, exactement. Donc c'était Ace of Spades de Motorhead, extrait de l'album du même nom, pas Motorhead mais Ace of Spades de 1980. Alors Motorhead, évidemment, bah, choix évident puisque c'est une des bases du métal. En fait, ils vont prendre un petit peu le métal là où l'avait laissé Led Zeppelin, mais surtout ils vont énormément simplifier la formule dans un sens où ils sont que trois, basse, batterie, guitare évidemment. Et ils vont vraiment se focaliser sur l'essentiel, sur des compositions très très courtes, des morceaux qui sont rapides, qui sont incisifs, qui vont droit au but. Pour moi, c'est le disque instinctif par excellence. Moi, j'adore l'écouter, même si le gros problème, je t'entends déjà le dire, c'est que c'est un petit peu répétitif. Mais c'est là où moi j'aime ça, c'est que bah, tu sais où t'es, tu sais où tu vas, et tu laisses couler le disque. Et bon, voilà, c'est ça que j'aime dans Motorhead. Alors Lemmy, c'est quand même une voix qui est quand même très très particulière, même à cette époque-là où il est pas spécialement vieux, et ça va très très bien avec le style de musique. Alors pour la petite histoire, c'est un album qui est enregistré en 6 semaines. C'est le 4e album du groupe. Et bah, c'est la première fois en fait qu'ils vont commencer vraiment à avoir un petit peu de succès, donc avec le morceau que j'ai choisi, Ace of Spades. Et bah, je l'ai évidemment pas découvert à la sortie, mais plutôt récemment dans une période Ramones où bah, je connaissais évidemment le single, mais bah, je trouve que le reste de l'album se tient vraiment très très bien. Alors tout le monde les classe dans le métal, mais pour moi ça reste du rock super bien foutu, très compact. Et c'est évidemment l'énergie qui domine dans l'album. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, on va dire, Motorhead s'est beaucoup focalisé sur Lemmy, le bassiste-chanteur. Mais c'est surtout les solos du guitariste, donc Eddie Clark, que j'ai trouvé vraiment bon. Et à mon avis, il n'est pas assez reconnu pour ça, dans un sens où il y avait beaucoup de guitar héros au début des années 80, avec Angus Young et Van Halen, etc. etc. Et on n'a pas souvent parlé de lui. Et donc, moi, je vous invite vraiment à acheter une oreille à cet album, parce que sur chaque morceau, il y a un bon riff qui attrape bien l'oreille. Et je trouve que c'est toujours très, très bien trouvé. Alors, il y a une petite référence qui est sympathique. C'est le premier groupe qui a fait un hymne à leur roadie, c'est-à-dire c'est une chanson bah, sur les emmerdes en tournée, sur etc etc. Et je trouvais que c'était sympathique qu'un groupe rende hommage aux gars qui se trimballent les amplis etc etc. Donc je me doute bien de ce que tu peux penser de Motorhead. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. Alors je ne connaissais quasiment pas, déjà, à la base. Ouais. J'avais découvert vraiment il y a très très peu de temps un titre qui me semble est sur le même album qui s'appelle Stay Clean, qui est sur la BO de Sing Street, que j'ai acheté il y a tout juste quelques mois. Et c'était le premier titre de Motorhead et je m'attendais à un truc inécoutable. Je dis, oh bah ouais, non, finalement c'est pas mal. Je m'attendais à un truc plus hard alors qu'en fait, à la limite, pour moi, c'est surtout du bon gros rock. Ah, quoi. C'est du gros rock, ouais. C'est pas du trash, quoi. C'est pas Pantera. Le Ace of Spades, ça marche bien. Je trouve sa voix absolument pas désagréable comme peut l'être. Étonnamment. Le chanteur d'ACDC, voilà. Là. Bon Scott. Enfin, j'ai eu plusieurs chanteurs. Mais Bon Scott, ouais, c'est Bon Scott. La truie qu'on égorge. Par contre, effectivement, c'est un poil répétitif. Et en fait, même avec des catégories musicales que j'aime, j'ai très vite tendance à décrocher quand c'est trop répétitif. Mmh. Donc, naturellement, quand c'est pas forcément ma tasse de thé première, je vais décrocher d'autant plus rapidement. Ah oui. Mais par contre, autant il y a des tas de groupes où si tu me dis je vais te mettre un titre de machin, je vais te dire écoute, pousse. Ouais. Autant je dirais pas non sur du Motorhead parce que j'ai vraiment pas trouvé ça désagréable. Mmh. C'est juste que 10 ou 12 titres, c'est un peu trop reboratif pour mon estomac. Oh, ça reste mais un voilà. Album court. Motorhead, c'est en 3 minutes, tout est dit. Hein. C'est rapide, voilà, mais des fois, ça peut être long quand même. C'est vrai. Bon, on passe aux rééditions et pour le coup, bah, tu nous sors un bon gros parpaing là. C'est la réédition de Purple Rain de Prince and the Revolutions de 1984. On va rester dans les classiques et j'ai choisi When Doves Cry comme extrait. C'était Wind of Cry de Prince and the Revolution, extrait de Purple Rain de 1984. Donc là, nous avons affaire à la réédition Super Deluxe, 3 CD plus 1 DVD, donc on a 4 galettes dans la pochette. Pour la modique somme de 595 francs. C'était, je crois, 17-18 euros que je l'ai acheté, il devait être encore en prix nouveauté. Un bon prix vert. Oui, un bon prix vert, sauf que c'était chez Gibert. Vu le contenu, c'est hallucinant. Quoi. C'est un monument de funk, mais c'est un monument de rock, mais c'est un monument de soul, mais c'est un monument de pop. C'est tout à la fois, c'est tout en même temps, c'est un classique absolu. Ça s'est quand même vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Quelques titres emblématiques, dont bah, le fameux que j'ai choisi, qui a quand même fait un carton monstrueux. Mais il y a un groove pas possible, il y a une voix qui est au top, il peut être ultra chaud, ultra sensuel, il peut pousser des cris hallucinants, on dirait James Brown d'un seul coup qui fait irruption. Il y a des riffs de guitare assez démentiels aussi, il y a un côté synthé, un petit peu new wave sur les bords, il déborde. Il a été remasterisé avant sa mort par le Nain Pourpre et le travail est remarquable. Véritablement, par rapport au son pourri qu'il y avait sur les CD avant. Hein, un peu plat. Ouais. Là, tu te le prends dans la tête, mais bien, bien comme il faut. Alors, il y a un deuxième CD avec... alors, globalement, c'est quand même à peu de choses près des inédits. Et il y a de quoi remplir quasiment 80 minutes avec des inédits. Donc bon, et puis, il n'y a pas des mauvais trucs. Ah, oui. Je retiens la version complète de 12 minutes du titre Computer Blue qui est fantastique. J'ai retenu que des titres de plus de 10 minutes, donc voilà. Il y a le titre qui s'appelle We Can Fuck, qui fait aussi 10 minutes, qui est une espèce de symphonie cochonne qui monte, qui monte, qui monte. Il y a aussi un petit instrumental qui s'appelle Father's Song, qui est une reprise du thème qui est développé dans Computer Blue et qu'on retrouve dans le film, que j'ai regardé il y a 2 jours pour l'occasion, parce que je ne l'avais pas vu, et qui est très très belle. Et puis un troisième CD avec les faces B, et puis toutes les versions single, extended, machin, tout ça. Et il y y a une version de 10 minutes encore du titre I Would Die For You qui est géante, géante, géante. Et puis le quatrième, bah, c'est un concert qui est vraiment pas mal, j'en avais pas vu. Donc voilà, je peux pas comparer à un autre. L'image, quand on tire sur les rouges, on sent bien la VHS, mais ouais. Le reste du temps, on sent quand même qu'il y a eu un petit travail de restauration. Ils peuvent pas faire de miracle, mais voilà. Et puis ça se sent sur le son aussi, c'est pas du surround machin, pas génial. Mais c'est quand même retravaillé. Mais voilà, je te passe la main pour ton avis sur le disque. Bah, de toute façon, cet album là, je crois que t'as tout dit hein, quand t'as dit que c'était un monument. Sur plusieurs styles, bah, c'est tout à fait ça. Hein. C'est Prince qui, de toute façon, a toujours été touche à tout. À cette époque-là, tout ce qui touchait, c'était génial. Alors, moi, Prince, j'ai découvert quand même à peu près à cette époque-là, donc pas Purple Rain, mais par la BO de Batman, le Tim Burton, le premier. Mm-hmm. Et bah, ça m'avait poussé peut-être quelques années après à aller voir un petit peu cet album-là, donc Purple Rain, que j'avais pas écouté depuis un bon moment quand même. Alors, je dois t'avouer que je suis pas super fan du son de synthé. Je ne suis pas étonné. Ouais, c'est, je trouve que c'est, y a des sons de synthé qui sont un peu mieux, mais bon, il a choisi celui-là, comme dirait l'autre, c'est mon choix. Hein, c'est cela. Bon, après, c'est facile de dire pas trop son de synthé, mais voilà, il est super à l'aise dans tout ce qui touche sur cet album-là. Les singles, on les connaît tous, ils sont tous très très bons, mais moi, un morceau comme Take Me With You, que j'avais pas écouté depuis, comme je te dis, peut-être 20-25 ans, il m'est revenu assez vite en tête et il est vraiment très très accrocheur et je trouve que là bah, tu retrouves tout ce que c'est faire Prince hein, c'est-à-dire vraiment c'est super funky, c'est vraiment moi ce que j'aime bien dans un album quoi, c'est tout est là, tu passes du coq à l'âne sans justement être décontenancé, ça garde une cohérence tout en touchant à pas mal de styles, donc c'est vraiment un exercice de style qui est justement compliqué quand tu veux toucher à beaucoup de choses tout en gardant une cohérence, mais bon bah il le réussit très très bien et c'est bien pour ça que c'est devenu un album mythique. Alors on avance de 3 ans, 4 ans même, je dis des bêtises. On passe en 1988 et c'est The House of Love qui nous chante Christine. Christine, still walking in me, still talking in me. Christine, Christine, such a sense of loss. And the baby cried, Christine, Christine. And the whole world dragged us down. And the whole world turned us out. Alors, bonjour à toutes les Christines, c'était donc The House of Love. Poire et cahuète. Voilà, exactement. The House of Love, voilà, donc ça faisait énormément de temps que je voulais les caser, je savais pas par quel bout prendre, ils ont failli se retrouver dans notre numéro sur les années 90, puisqu'il y a un morceau que j'adore et qui est plus de cette période-là. Et évidemment, c'est lié à l'émission que je regardais, donc Les Nuls l'émission, et ils sont venus jouer, donc je devais avoir 14-15 ans dans ces eaux-là, et ils avaient joué The Beatles and the Stones, donc c'est une chanson qui est sur un des albums suivants. C'est le suivant. Ouais, c'est le suivant, bah oui, qui s'appelle pareil en plus. Tu peux dire l'album au papillon. Oui, voilà. Et bah c'est un groupe, voilà, moi quand j'ai retrouvé après cet album-là, alors c'est vraiment ce que j'aime bien dans le rock indé anglais de l'époque. C'est pas vraiment, enfin justement, c'est pas vraiment du rock. C'est une formation à la base classique, mais les morceaux, je les trouve bien faits et simples. Et c'est là où ça me touche, parce qu'il n'y a pas de superflu sur cet album. C'est un album qui est très brut. Ça me fait vraiment penser, tu vois, à une bonne couette. Et tu te mets dedans et tu te laisses glisser tout seul. Quand je l'ai réécouté au début, ça m'a paru un peu aride. Justement, pour le côté un peu dépouillé de la chose, il manquait un petit peu d'habillage, il y avait une voix qui était peut-être un peu brute, mais au fil du temps, on s'installe bien dans le truc, et il y a un morceau comme Hope, qui laisse vraiment une grosse grosse place au chant. Il chante très très bien déjà, il a pas mal de registres au niveau vocal, il va aller dans les graves très très douces et il va avoir des envolées on va dire un petit peu plus larges on va dire, et il va pas tomber dans le lyrisme. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans cet album là. Et le seul regret que j'ai, c'est que bah il est quand même très très difficile à trouver en vinyle. Du coup la réédition elle est en CD. Mais le gros intérêt de cette réédition, c'est qu'il y a énormément de plein plein plein plein de bonnes choses. toutes les phases B, il y a des lives, il y a des démos. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu connais, je pense que tu connais The House of Love évidemment. Alors je connaissais, je pense que la copine qui m'avait fait la copie avait dû aussi voir le groupe dans les nuls d'émission, parce que moi je ne connaissais que le fameux album au papillon. J'étais resté sur The Beatles and the Stones et le fameux Shine On. Je ne savais pas qu'en fait c'était une reprise d'une de leurs chansons dont la première sortie datait de 87. Donc j'ai découvert l'album, je connaissais le groupe mais j'ai découvert l'album et ma foi j'ai trouvé ça très très bien. Christine, c'est très bon. Ouais. J'aime beaucoup Hope aussi. Enfin, surtout le démarrage d'album, je le trouve extrêmement efficace. Il y a un côté aride, oui, mais je sais pas, comme c'est très mélodique, ça m'agresse pas. Oui, ce qui me plaît vraiment dans cet album-là, c'est qu'il n'y a pas le côté clinquant qu'ont pu mettre certains groupes à vouloir surproduire les morceaux, à vouloir... C'est pas encore la course à la Britpop des années 90. Exactement. C'est peut-être aussi pour ça. C'est ça que j'aime bien. Et pour en revenir à Shine On, c'est une chanson qui a eu plusieurs vies, comme tu dis. Donc ils l'ont ressorti en single de leur deuxième album, mais comme tu l'as dit, c'est une chanson qui était déjà très vieille. Mais je préfère celle de 90 pour le coup. Pour le coup, oui. Oui. Ouais, il y a quand même une production qui, je trouve, pour le coup, qui est légèrement améliorée. Et tout à fait. Ça gagne quand même. C'est là où c'est intéressant de pouvoir voir l'évolution d'une chanson. La première, elle est un peu trop sèche, elle manque un petit peu d'habillage. La deuxième version, elle est un petit peu plus travaillée, sans être surproduite. Et oui, la deuxième version est à mon sens aussi meilleure que la première. Après, le reste des titres et des démos. Les démos, elles sont tellement propres que moi, j'y trouve moyen mon intérêt. C'est clair que j'aurais plutôt tendance à me contenter de l'album. Oui. Le reste m'accroche nettement moins. Mais par contre, le disque, ouais, bien. Alors, on passe à ton hors-sujet qui, pour le coup... Est très hors-sujet. Ben, de par sa provenance géographique... Et pourquoi pas. Eh ben, t'as bien fait. Enfin, vas-y. Donc, c'est un titre du groupe tchèque, J.A.R., et l'album s'appelle Eskalace Dobra. L'extrait, c'est Sem Vimletai. Ja mam ženu starua. Máváme v pánu a petrifikace trochu hanteru škoda. Kostrče i februa. Mám hezkou dceru a dospěla rychle v ženu a s dysfunkcí rozhodovacího aparátu a jsem vyhletej, to je má hymna, jemná hymna. To asi budu to i jak vás se pomenuje. Jsem vyhletej, jedno za 301. To asi budu to i vazí vládej. Donc c'était Sem Vimletei du groupe J.A.R., extrait de l'album Eskalace Dobra qui est sorti un peu plus tôt cette année. Donc, comment dire, c'est un groupe de funk, c'est un groupe un petit peu de rap, c'est un groupe un petit peu de jazz, c'est un groupe un petit peu de tout. Ouais. C'est un groupe que j'ai découvert via un des deux chanteurs, en l'occurrence Dan Barta. Et j'ai découvert ce chanteur en 2003 à Prague. Mmh. J'étais avec un ami à Prague, on était dans un magasin de disques et puis on écoutait les nouveautés. Et justement, le copain, il me passe un casque en disant « Écoute, c'est tout pourri, c'est pour toi. » C'est tout pourri. Et il me passe le truc et c'est resté depuis un album qui est un album de chevet. D'accord. Donc c'était très jazz pour le coup et j'ai commencé à suivre le garçon et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un autre groupe, donc je me suis dit bah, c'est chouette, on va suivre ça aussi. Et donc j'ai découvert le fameux groupe J.A.R. en 2007. Il existe depuis 92 et il sort un petit disque comme ça de temps en temps quand l'envie lui prend. Et donc le dernier est sorti cette année, il y a quelques petits mois, et bah, il est comme d'hab, c'est-à-dire qu'il part un peu dans tous les sens, mais il a surtout un groove absolument hallucinant. Je suis jamais déçu par ce qu'ils font. Alors une fois qu'on n'est pas trop rebuté par la langue, qui est inhabituelle, on va dire, je le reconnais volontiers. Après moi j'aime bien les langues inhabituelles, donc c'est presque un facteur aggravant pour moi. Tu cherches le truc qui te comprend pas, quoi. Le quintuple voyelle au scrap, quoi. Ah, mais complètement, parce que, en fait, quand je vais écouter un truc, je vais avoir tendance à l'écouter purement musicalement. D'accord. C'est-à-dire que même si je comprends les paroles, je vais avoir tendance à considérer la voix comme un instrument et à faire vraiment extraction de ce qui est dit. Et bon, au bout de la deuxième ou troisième, je commence à écouter. Et quand on en est à la 250e histoire de Tu m'as quitté, qui va faire la vaisselle, il y a des jours où t'as envie d'écouter un truc dont tu comprends que quick. Ouais. Et là, je ne sais pas de quoi il parle. Et en fait, j'ai pas envie de savoir. Oui, bah oui. Voilà. Ou alors moi, j'ai adoré ce que t'as déjà dit, hein, c'est le côté vraiment jazzy funk. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien foutu. Bon, comme tu l'as dit, il faut passer au-dessus de la musicalité linguistique qui, moi, m'a pas parlé du tout. Mais j'ai été vraiment abasourdi par l'album parce que, justement, c'est un truc, de toute façon, j'aurais jamais entendu ça n'importe où. Il y a bien que toi pour amener ça. Sauf qu'ils sont sur Deezer maintenant. Oui, oui, oui, mais exactement. Je me suis dit, mais je vais quand même chercher un petit peu. Et l'album est sur Deezer, donc si vous avez Deezer, allez jeter une oreille. Je vais vous donner des noms de morceaux parce que il y a... Spraltodas, qui est vraiment super dans l'esprit. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Alors, il y en a un, j'ai même pas pu noter le titre dans mes notes. Il est plutôt sur la fin de l'album, il y a un super jeu de basse, c'est vraiment bien. Il y a des titres qui font mal au crâne, hein. Oui. Effectivement, ça fait mot compte quadruple au Scrabble. Et un morceau qui s'appelle Tri Electra Love, et je pense que si tu récupères la piste vocale, on doit être assez proche de l'incantation démoniaque. Mais bon, c'est un album, c'est faut l'écouter. Il faut le vivre. Mais faut vraiment le découvrir. Enfin, faut pas passer à côté parce que c'est sûr, vous allez être surpris. Ça va vous, au départ, vous allez vous dire, oh, c'est quoi ce truc. Mais il faut vraiment passer le cap. Et moi, j'ai vraiment passé un super moment et je le réécoute de temps en temps. C'est vraiment top de découvrir ce genre de petites perles. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Ils sont vraiment très bons. Et puis les différents membres ont eux aussi une vie autonome qui est généralement plutôt centrée sur le jazz, mais qui sortent des choses qui sont aussi intéressantes. Voilà, la République tchèque, c'est pas que l'autre pays du fromage. Ah non, ça c'était pas ça. Non, mais l'album est super. Ça c'est... marche aussi avec la musique. Ils ont des très bons trucs, contrairement à l'idée qu'on ne s'en fait pas. Voilà. Donc toi tu nous amènes de nouveau recule un peu, repasse aux années 90, oui, avec une madame que je ne connaissais pas. Ah, tu ne connaissais pas donc Lisa Germano. Non. Et on va s'écouter Singing to the Birds, extrait de l'album Excerpts from a Love Circus. C'était Singing to the Birds de Lisa Germano, donc de l'album Excerpts from a Love Circus de 96. Alors c'est le genre d'artiste que j'ai découvert sur une compile des Arocs, une rentrée 96 qui était particulièrement bonne, puisque en la réécoutant, je vais t'en ressortir pour le prochain numéro, puisqu'il y avait énormément de bonnes chansons sur cette compile. C'est la Mal au Trésor 2017-2018. Hein. Et c'est un peu ça, ouais, voilà. Et donc en fait, la chanson qui était sur la compile, c'était We Suck, donc une chanson très très triste et mélancolique. Alors j'ai choisi ce disque en sujet parce qu'il m'a accompagné dans pas mal de moments de ma vie. Tes 4 tentatives de suicide. Bah voilà, c'est exactement ce que je voulais te dire. Pas les plus heureux, on va dire, parce que c'est une couleur musicale et que quand même assez mélancolique, avec un chant qui peut être un peu fantomatique, mais c'est des morceaux que je trouve d'une part très bien faits. À l'origine, elle est violoniste et ça se ressent dans les orchestrations. Et surtout, je me suis attaché à cet album dans le sens où quand je l'écoute, bizarrement, bien qu'il soit triste, c'est un morceau qui me fait sortir la tête de l'eau. Un morceau comme Singing to the Birds, il est assez simple dans la construction, dans la manière de chanter, et bizarrement c'est le genre d'album qui me fait me sentir mieux quand ça va pas. Donc c'est assez paradoxal, mais oui et non. Oui, parce que c'est une thérapie pour l'artiste, hein. Il y a un côté catharsis quand même Oui, oui, bon, il y a besoin d'évacuer certaines choses, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas faire aussi l'effet pour les auditeurs. Pour l'auditeur, ouais. Bon, alors après, le truc, c'est que j'ai un peu perdu de vue ce qu'elle a fait au fil du temps. Mais moi, je suis vraiment resté sur cet album-là. Je trouve que la fin de l'album, donc les 3 derniers morceaux, je les trouve vraiment très très beaux pour ça, parce qu'elle réussit à transmettre des émotions qui me parlent. C'est tout à fait le genre de voix et de construction de chansons qui me touche. Alors, je suis pas qu'un sale punk qui pue de la crête. Mais... Oh, je la garde celle-là, elle est excellente. Bah oui, oui, oui. Mais je l'ai aussi choisi parce qu'il y a quand même pas mal de chats qui miaulent et qui ronronnent dans cet album. Et je suis sûr que ça t'a pas laissé indifférent. Non. Non, non, non, ça m'a pas laissé indifférent. Donc je ne connaissais pas du tout. il y a un univers extrêmement particulier, extrêmement unique. Je trouve qu'il y a une recherche dans le son, il y a toujours des petits bouts de trucs par-ci par-là qui font une construction qui est plus complexe qu'on peut imaginer alors à la base. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Esthétiquement, je trouve ça assez sublime. Carrément. Ouais, mais vraiment. La chanson que t'as prise, très très bien. Enfin, moi, elle m'a beaucoup plu. Par contre, moi, quand je suis dans des moments où ça va pas, je vais plutôt me tourner vers un bon vieux Burt Bacharach. Donc, j'ai énormément de mal sur la durée, ce qui fait que le disque, je l'ai écouté en 10 fois, quoi, en 12 fois, ouais, en 12 titres, ouais. Parce que les artistes qui font un disque pour se prémunir du suicide, il y a un côté malsain à l'écoute, je trouve, ouais. Que j'ai du mal à tenir sur la distance, enfin, passer un titre, voilà, donc pris séparément entre d'autres trucs, c'est vraiment très beau. Mais en bloc, c'est dur. Mais en bloc, c'est trop dur. Elle chante en se taillant les veines, quoi, globalement. Et... Non, je te ferai écouter un autre truc. Je te le garde pour plus tard. Hein. Je suis sur la même compile, mais je te ferai vraiment écouter un truc. Si tu vas pas, tu vas pas du tout. Après. Ouais, donc. Mais voilà, c'est vraiment unique. Il y a une vraie recherche, une vraie personnalité. Vu que c'était sorti chez 4AD, je ne suis pas surpris. Oui. C'est fidèle à ce qu'on peut attendre sur le label. Mais voilà, en bout. Mmh. Voilà, okay. C'est ma seule limitation. En tranche. En tranche, comme le saucisson corse, ça va. Bon. Voilà. Ça va être l'heure de se quitter quand même. Il fait tard. Oui, tout à fait. Ah, bah oui, il se fait un petit peu tard. Je sais absolument pas sur quoi on se quitte d'ailleurs. On peut se quitter sur un petit Dragnet de Heart of Noise. Ah, mais sympa. C'est une très bonne idée. Ah, oui. Bah écoute, 1987. 87 donc. Et le film était très très bon avec Dan Aykroyd, si je me trompe pas. Eh ben, tu sais que je l'ai pas vu. Eh ben, je ne sais pas s'il a bien vieilli, mais je me rappelle l'avoir vu à l'époque et j'avais adoré. Donc peut-être que ça vaut le coup de le revoir. Déjà, on se l'écoute. Et on se l'écoute, et puis ben, on se dit à la prochaine fois. Et puis, suivez nos aventures sur les réseaux sociaux. Je ne sais jamais sur quoi on est, puisque je ne suis pas tout ça. Toi, tu sais mieux que moi. Alors, les Facebook, les Twitter, les machins. Le Facebook d'80s, le Twitter d'80s. Et puis, bon, il y a pas mal de chroniqueurs aussi qui sont sur Twitter. Donc, voilà. À bientôt. À tchou-tchou. Ciao. Salut.